Chapitre 6. Campagne de Chine, ses causes. L'îlot de Molène. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de l'officier de marine chez son oncle. Les deux jeunes gens mouraient d'envie d'entendre l'enseigne de vaisseau leur parler de la Chine. Mais Madame de Kerdoret avait jugé convenable qu'ils attendissent l'occasion de l'interroger à ce sujet et elle s'était opposée à leur désir d'aller le trouver chez Monsieur le Troadec. Cette occasion se présenta bientôt. Un matin, le vieux marin et son neveu arrivèrent au Conquet et ils prièrent Madame de Kerdoret de leur confier ses enfants dans la journée. Ils avaient projeté de les emmener faire une partie en mer. Horace et Ludovic bondirent de joie à cette nouvelle et, après avoir bien promis de ne commettre aucune imprudence dans le bateau, ils partirent en compagnie de Monsieur Le Troadec et de Frédéric. Quelques instants après, on mettait à la voile et on s'éloignait des côtes. Le temps était on ne peut plus beau. Le bateau s'inclinait mollement sous la brise et fendait l'eau avec rapidité. Quand les deux enfants eurent joui quelque temps du plaisir de la navigation, Frédéric les invita à s'asseoir à côté de lui, près du gouvernail qu'il dirigeait lui-même, et leur demanda s'ils étaient disposés à écouter le récit d'une de ses campagnes. « Oh, bien volontiers, monsieur Frédéric, » répondit Ludovic. « Nous voilà justement en mer. Tout ce que vous nous direz ne nous intéressera que davantage. »« Eh bien, écoutez, » reprit le lieutenant de vaisseau, « je vais vous parler d'une expédition qui ne sera pas la moindre gloire de notre temps et qui a porté la civilisation dans la contrée la plus reculée de l'Asie. Elle a duré 3 ans et, grâce à l'énergie de nos marins et de nos soldats, l'influence française a été enfin établie sur ses rivages éloignés. Le chef du Céleste Empire a été contraint de signer un traité avantageux pour nous. Vous pouvez croire, mes petits amis, que cela n'a pas été obtenu sans peine. Outre les fatigues d'un voyage long et pénible, nos hommes ont eu à lutter incessamment contre les influences climatériques d'un pays malsain. Mais aucune difficulté n'a pu les empêcher de mener à bonne fin la guerre. Ils ont prouvé une fois de plus que rien n'est impossible aux Français quand ils souffrent et combattent pour le triomphe d'une cause juste. « Pourquoi faisait-on la guerre à la Chine ?» demanda Horace. « Vous êtes tous les deux intelligents et vous comprendrez facilement les motifs qui décidèrent notre expédition. Mais avant de retracer successivement les faits qui y appelèrent nos armes, je veux vous apprendre, si déjà on ne vous l'a enseigné, que cette contrée qui forme le plus grand empire de l'Asie avait déjà connu une sorte de civilisation avant que les états actuels de l'Europe fussent policés. Comme cet immense pays a, au moyen des fleuves qui le sillonnent, de faciles voies de communication, et que par la variété de ses productions il peut se suffire à lui-même, ses habitants s'adonnent peu au commerce extérieur, et, pendant bien des siècles, ils n'ont été en contact avec aucune nation étrangère. Vous avez vu sans doute des Chinois. « Oui, oui, » répondit un des enfants. « Nous en avons quelquefois rencontré dans les rues à Paris. Ils ont le visage large, les yeux, la bouche et le nez petits, les pommettes très saillantes et le teint jaune. »« Je vois que leur type vous est connu, » reprit Frédéric. « J'ajouterai qu'ils sont doux, polis, amis de la paix, mais poltrons, enclins à l'ivrognerie et à la fraude, et qu'ils tiennent beaucoup à se venger des injures qu'ils ont reçues. » Ils sont de plus d'un orgueil intolérable pour tout ce qui concerne leur pays. Vivant dans le plus grand isolement physique et moral, ils méprisent toute innovation et se montrent opiniâtrement attachés aux coutumes traditionnelles. C'est ce qui explique les difficultés qu'ont rencontrées les Européens toutes les fois qu'ils ont cherché à établir avec eux des relations commerciales. « On m'a dit, » interrompit Ludovic, qu'ils aiment beaucoup l'opium. C'est vrai, reprit le narrateur, et c'est précisément ce qui a été la cause de la guerre. Écoutez bien, le gouvernement, par raison d'hygiène, avait prohibé depuis longtemps cette plante dont les effets sont si déplorables pour la santé. Mais les Chinois en sont encore plus friands que des nids d'hirondelles, et ce n'est pas peu dire. Aussi les Anglais se mirent-ils à faire de la contrebande. Pendant quelques années, la fraude ne fut pas découverte, ou bien les gouverneurs la tolérèrent, et le commerce illicite s'étendit rapidement. La vente de ce poison s'accrut vite dans une proportion considérable. En 1839, les marchands britanniques inondèrent plus que jamais d'opium les côtes du Céleste Empire. Le gouvernement de Pékin prit de nouvelles mesures contre eux et confisqua en grande partie les cargaisons de leurs navires. L'Angleterre déclara la guerre à la Chine et obtint l'ouverture des 5 grands ports. Les Américains du Nord et les Français réussirent également à signer avec les Chinois en 1844 des traités de commerce, mais les autorités de Canton ne cessèrent pendant 10 ans de mettre des entraves à l'exécution de ces traités. Les Anglais canonnèrent en 1856 les forts de cette ville, de là l'irritation du vice-roi nommé Yeo et ses proclamations incendiaires contre les étrangers. Un ultimatum lui fut envoyé le 10 décembre par le baron Gross et Lord Elgin, représentants de la France et de l'Angleterre, et l'on se prépara à l'attaque. Le 26 au soir, Canton était au pouvoir des alliés, ainsi que le vice-roi. « Qu'est-ce donc un ultimatum ?» demanda Ludovic. « C'est, répondit Monsieur le Troidec, le dernier mot touchant une négociation pendante. Ce sont les conditions auxquelles on tient irrévocablement quant à la conclusion d'un traité. Lorsqu'un ultimatum est refusé, les négociations sont rompues et il n'y a plus qu'à recourir aux armes. C'est ce qu'on fit, vous voyez, pour le vice-roi de Canton. » Après avoir donné cette explication d'un ton capable, le vieillard alluma sa pipe et laissa son neveu continuer son récit. Peu de temps après, reprit le lieutenant de vaisseau, les représentants de la France, de l'Angleterre, de la Russie et de l'Amérique du Nord envoyèrent simultanément une communication à la cour de Pékin. Le premier ministre répondit que le nouveau vice-roi, Niang, était chargé de traiter avec eux. C'était une réponse évasive. Les flottes alliées s'avancèrent à l'embouchure du Peiho. Le 20 mai 1857, les forts qui commandaient l'entrée de la rivière furent enlevés. Un traité fut signé à Tientsin, dans le courant d'octobre, entre les alliés et les commissaires chinois. Mais quelques jours après, la cour de Pékin refusa d'échanger les ratifications. Les ministres de France et d'Angleterre résolurent de se porter avec toutes leurs forces dans le golfe de Pécheli. Le 25 juin 1858, les forts furent attaqués avec vigueur. Ce fut en vain. La mort décima les assaillants, et on douta un instant, au milieu de la vase et des marais, de triompher de la résistance de l'ennemi. Ce léger succès des Chinois devait amener de terribles représailles. Mais nous allons en rester là aujourd'hui, si vous le voulez bien. J'aurais peur de fatiguer votre attention en poursuivant maintenant. Et puis, monsieur Frédéric, répartit un des enfants, vous avez besoin de vous reposer vous-même, mais nous ne vous tenons pas quitte, et nous espérons bien qu'avant de rentrer au Conquet, vous nous aurez raconté votre voyage de France à Hong Kong ou à un autre port de ce pays. C'est convenu, dit le narrateur. Lorsque nous aurons dîné sur le rocher de Molem, que vous voyez là-bas, nous nous remettrons en mer, et en revenant, je vous parlerai de la traversée que je fis sur le navire qui transportait le général de Montauban, commandant en chef de l'expédition, et son état-major. Quelques instants après, le bateau abordait à l'îlot de Molène. Monsieur le Troidec avait choisi ce point de préférence à un autre pour montrer aux jeunes Parisiens des types dont ils n'avaient pas l'idée. Après avoir installé leurs provisions auprès d'une cabane peu éloignée du rivage, ils se mirent à dîner. L'arrivée du bateau était un événement pour les habitants de la Chaumière et leurs voisins. Aussi, en peu de temps, se réunirent-ils en assez grand nombre autour des étrangers, regardant avec curiosité ce qu'ils mangeaient. « Comme ils ont l'air malheureux !» dit Ludovic. Et à ces mots, il distribua sa part de pâté à 3 petits garçons qui ne firent qu'une bouchée de ce qu'il leur donna. « Oui, » répondit Monsieur le Troidec, « beaucoup plus malheureux encore que vous ne vous le figurez. » Ces pauvres gens, ainsi que vous l'a dit, je crois, monsieur de Kerdoret, condamnés à vivre sur une terre ingrate, brûlés par le soleil et les vents, peuvent à peine, en suppléant à l'agriculture par le commerce des algues et du goémon, suffire aux besoins de leur famille. La plupart ignoreront toujours les merveilles et les richesses de la mère patrie. Ils ne connaîtront jamais d'autre horizon que celui des flots battant éternellement leurs rochers. Et tel est le dénuement dans lequel ils se trouvent presque tous, que l'État est obligé de leur envoyer des biscuits. C'est ici surtout, ajouta Monsieur le Troidec, que s'est conservé sans altération le caractère breton. Ce caractère qu'a si bien peint notre compatriote Pitre Chevalier dans son livre de la Bretagne ancienne et moderne, se compose, comme on le dit, de 5 vertus et de 3 vices. Vous voyez que le bien l'emporte presque de moitié. Nos paysans se distinguent par l'amour du pays, leur résignation devant Dieu, leur loyauté devant les hommes, et aussi par leur constance et leur hospitalité. C'est le mal du pays qui fait périr de douleur le conscrit et le matelot loin de la terre natale, avant que les balles l'atteignent ou que les vagues l'engloutissent. C'est lui qui épanouit son visage et lui arrache des pleurs dès qu'un bruit, un mot lui rappelle la chaumière où il veut mourir après ses aïeux. Quant à la résignation devant Dieu, elle est toute sa religion et elle n'est pas moins connue que leur loyauté devenue proverbiale. Leur ténacité est également très remarquable. Elle suscita nos Minoé contre les rois francs, Alain Barbe-Torte contre les envahisseurs du Nord, Anne de Bretagne contre Louis XII. C'est elle qui fait de nos soldats et de nos marins des hommes infatigables. Les derniers, dit encore Pitre Chevalier, contre le fer de l'ennemi et contre les assauts de la tempête. Je ne vous parlerai pas, mes enfants, de leur hospitalité, chose pour eux très naturelle. Vous avez pu vous assurer déjà par vous-même qu'elle préside, dans cette partie reculée de la vieille armorique, à mille usages empreints de la charité la plus touchante. Ces vertus sont malheureusement, je le répète, ternies par des défauts, l'ivrognerie, l'avarice et le peu de considération pour la femme. On se sent toutefois assez disposé à les excuser quand on apprécie ce qu'il y a de bon et de généreux chez ces braves gens. Le dîner fut bientôt achevé. Monsieur le Troidec donna de bon cœur ce qui restait des provisions aux pauvres Bretons qui stationnaient autour du groupe, et quelques instants après, le bateau s'éloignait de l'îlot.